إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد أيها الناس أو جان يقول سيد الأولين والآخرين المصطفى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit dans un hadith qu'a rapporté l'imam al-Bukhari, dans ce recueil de hadith authentique, dans un chapitre qu'il a lui-même intitulé « Le ferme suivi du Coran et de la tradition prophétique », il nous rapporte l'imam al-Bukhari un hadith de Abi Huraira où le prophète عليه الصلاة والسلام a dit كل أمتي يدخلون الجنة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلا من أبى. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit toute ma communauté entrera au paradis à l'exception de celui qui s'y refuse. قيل ومن يأبى يا رسول الله. Et les compagnons de dire et de répondre: et qui s'en refuserait au prophète d'Allah? فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ومن عصاني فقد أبى. Celui qui vient à m'obéir entrera au paradis, tandis que celui qui me désobéit, alors certes, lui est celui qui s'y refuse. ويدفعنا هذا الحديث إلى أهمية طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنها عنوان سعادة البشر وفلاحه ونجاته في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. Et ce genre de hadith, il nous pousse, il nous amène à constater et à comprendre l'importance d'obéir au prophète عليه الصلاة والسلام. Et que le fait d'obéir au prophète alayhi salatu wa salam est un signe pour le serviteur de sa droiture, de sa réussite et de sa préservation dans ce bas monde et dans l'au-delà. Wa min awamirihi al-thabitati fil kitabi wa sunnah amruhu wa hathuhu ala sadaqa wal infaq fi sabilillah. Et fait partie de ses nombreux ordres qui sont confirmés dans le Coran et la Sunna. L'ordre qu'il a donné de donner en aumône et de dépenser de nos biens dans son sentier, dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Et certes, il est confirmé dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et Muslim. Un hadith du compagnon Adi ibn Hatim que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit dans ce hadith: Il n'y a pas l'un d'entre vous, c'est-à-dire parmi cette communauté, il n'y a pas l'un d'entre vous sans qu'il n'ait un entretien avec Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier. Sans qu'il n'ait un entretien avec Allah Azza wa Jal, un entretien dans lequel il n'aura nul interprétateur, il n'y aura nul intermédiaire. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler à chacun d'entre nous sans intermédiaire. فَيَنْظُرُوا أَيْمَانَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمْ. Et voilà que le serviteur regardera et observera à sa droite il ne verra que les œuvres qu'il a avancées pour un tel jour. Et ensuite, il regardera à sa gauche et il ne verra que les œuvres qu'il a avancées pour un tel jour. Et le voilà qui regarde en face de lui, ou qui regardera en face de lui, et il ne verra face à lui que le feu de l'enfer. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فاتقوا الله فاتقوا الله ولو بشق تمره ولو بشق تمره اي نص التمر. Et voilà que le prophète عليه الصلاه والسلام dit juste après, craignez Allah, ne serait-ce qu'en donnant en aumône la moitié d'une date, la moitié d'une date. فربما الواحد منا اذا طلب منه الفقير المعدم يبحث في جيبه ولا يجد الا دنانير قليله فيستحي من اخراجها وبالتالي لم يخرج شيئا. Il se peut que l'un d'entre nous il soit on lui demande de la part d'un quelconque besogneux ou un quelconque pauvre de faire un quelconque don, et le voilà qui fouille dans ses poches et qui ne trouve que des centimes dont il a honte de présenter ou de donner en aumône. Et voilà que, de surcroît, il ne sort rien. Il ne donne rien. Par honte. Il ne donne rien par honte. « Wa al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqul fattaqullah wa law bi shiqqi tamra » Alors que le prophète, alayhi sallatu wa sallam, il dit « Craignez Allah, ne serait-ce qu'en donnant en aumône la moitié d'une date. » « Wa yaqulu alayhi sallatu wa sallam kama fi sahih al-Bukhari min hadithi Abi Dhar » رضي الله عنه ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. Et alors que le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, ne méprise pas le moindre bienfait, la moindre bonne œuvre, ne la méprise pas, même si ce ne serait que de rencontrer ton frère avec un visage souriant. Avec un visage souriant. فَالصَّدَقَةُ أَمْرٌ عَظِيمٌ وَأَمْرُهَا عَظِيمٌ. Et le fait de donner en aumône, ses bienfaits sont multiples. Ses bienfaits sont multiples. وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, « قُلْ لِعِبَادِي أَلَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةِ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, selon une traduction approximative, et dit à mes serviteurs, ceux qui croient, dis à mes serviteurs, ceux qui croient, qu'ils accomplissent la prière et qu'ils donnent en aumône de ce qu'on leur a octroyé avant la venue d'un jour où nulle amitié ne sera utile et nulle intercession sera acceptée. Wa yaqulu Allahu jalla fi ula ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a والكافرون هم الظالمون. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à peu près la même chose. Ô vous qui croyez, donnez de ce que nous vous avons octroyé en aumône avant la venue d'un jour où il n'y aura nulle intercession, nulle amitié. Un jour qui sera bien sombre pour les mécréants. والله subhanahu wa ta'ala يقول, et Allah subhanahu wa ta'ala يقول, يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset, ô vous qui avez cru, donnez des bienfaits que vous avez gagnés. Donnez des bons bienfaits que vous avez gagnés. وَعْلَمُوا وَفَّقَكُمُ اللَّهِ أَنَّ بِالصَّدَقَةِ تُطْفِئُ غَضَبُ الرَّبِّ الصَّدَقَةِ تُطْفِئُ غَضَبُ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلْ. Et sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que le fait de donner en aumône, est une chose qui éteint la colère d'Allah. كما في قوله عليه الصلاة والسلام الصدقة السر تطفئ غضب الرب الصدقة سر تدفئ غضب الرب تبارك وتعالى. Comme le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit dans ce hadith, l'aumône qui est faite en secret éteint la colère d'Allah عز وجل. L'aumône qui est faite en secret éteint la colère d'Allah عز وجل. وهو حديث صحيح صححه العلامة الألباني صححه العلامة الألباني. C'est un hadith qui est authentique, qu'a authentifié le noble savant الشيخ الألباني. فإذا أذنبت ذنبا. Donc si tu es tombé dans un quelconque péché, ô Abdallah, وَأَوْقَعَتْ فِي نَفْسِكَ أَنَّهُ يَجْلِبْ عَلَيْكَ غَضَبَ اللَّهِ فَتُوبْ مِنْ ذَلِكَ الذَّنْبِ وَتَصَدَّقْ يَا أَخِي. Alors si tu es tombé dans un quelconque péché et tu as la certitude que ce péché-là va attirer sur toi la colère d'Allah Azza wa Jal, alors repends-toi, ô serviteur d'Allah, repends-toi de ce péché et donne un aumône. وَلِهَذَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ بِالصَّدَقَةِ. Et c'est pourquoi le prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné aux femmes de donner un aumône. فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءَ تَصَدَّقْنَا فَإِنَّ كُنَّ أَكْثَرَ حَطَبُ جَهَنَّمَ. Et c'est pourquoi le prophète عليه الصلاة والسلام il leur dit, ô groupe de femmes, donnez un aumône, car vous êtes les plus nombreuses à faire partie des combustibles des feux de l'enfer. فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ لِمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Et voilà qu'une d'entre elles a demandé au prophète alayhi salatu wasalam, pourquoi un tel sentiment. Et voilà le prophète alayhi salatu wasalam de dire et de répondre, لأن كنا تكفرنا العشير وتكثرنا الشكاء. Pourquoi? Parce que vous êtes ingrates envers les bienfaits de vos maris et vous multipliez les plaintes. فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء ألا يكفرن فضل الزوج ويكثرنا الشكاوات بالصدقة والإنفاق. Et donc on voit dans ce hadith que le prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné à ces femmes-là qui méprisent les bienfaits de leur mari et qui multiplient les plaintes, il leur a ordonné de donner en aumône. Il leur a ordonné de donner en aumône. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. Et sachez que l'aumône éteint le péché. L'aumône éteint le péché et le dissipe totalement. L'aumône éteint le péché et le dissipe totalement, ceci conformément au hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Wa kadhalika as-sadaqa dalilun ala sidqi al-'abd wa imanihi. Et sachez aussi que le fait de donner en aumône est une preuve de la véracité du serviteur et une preuve de sa foi. قال النبي صلى الله عليه وسلم as-sadaqa burhan. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, certes l'aumône est une preuve. Certes, l'aumône est une preuve. وَالصَّدَقَةُ دَوَاءٌ لِلْأَمْرَادِ الْبَلَدِيَّةِ. Et sachez aussi que le fait de donner en aumône est un remède, est un médicament, est un remède contre les maladies du corps. Un remède contre les maladies du corps. قال النبي صلى الله عليه وسلم دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ. Le prophète عليه الصلاة والسلام il nous dit, guérissez vos malades par la sadaqa, par l'aumône. Guérissez vos malades par la sadaqa. Wa hadha al-hadith bi majmu' turuqihi hassanahu al-'allama al-albani. Et c'est un hadith que le savant, le noble cheikh Mohammed ibn Nasser al-Albani a rendu ou a jugé bon. Wa yashhadu li hadha al-hadith adillatun kathira wa asah ma fi al-bab ما ورد في الصحيحين في الكسوف. Et il y a beaucoup de hadith qui indiquent cela et qui appuient sur cette affaire, comme quoi la sadaqa repousse les malheurs, que ce soit maladie ou autre. Et parmi les hadiths les plus authentiques et les plus importants, le hadith qui concerne l'invocation que l'on doit faire lorsque l'on constate l'éclipse. Un hadith qui est rapporté dans le Bukhari ou Muslim, où le prophète عليه الصلاة والسلام يقول فادعوا الله إذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا وكبروا وصلوا وتصدقوا. Le prophète عليه الصلاة والسلام il dit, lorsqu'on envoie l'éclipse, invoquez Allah et accomplissez le takbir, c'est-à-dire dites Allahu Akbar et faites la prière, accomplissez la prière et donnez en aumône. نعم فالصدقة دواء للأمراض البدنية بل حتى للأمراض القلبية. Et donc la sadaqa, est un remède, est un véritable remède pour les maladies du corps, mais aussi pour les maladies du cœur. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن شكا إليه من قسوة قلبه. Et ceci conformément à la parole du prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu'il répondit à une personne qui est venue se plaindre de la dureté de son cœur. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رؤوسي أو على رأس اليتيم. Si tu veux, le prophète صلى الله عليه وسلم répond à cette personne, il dit si tu veux attendrir ton cœur, alors donne aux pauvres, alors nourris un pauvre, alors nourris un pauvre et passe ta main sur la tête d'un orphelin. وفضائل الصدقة كثيرة كادت أن لا تحصى. Et sachez que les mérites et les bienfaits de donner en aumône sont très nombreux. Il est très difficile de les dénombrer. وكفاكم شرفا أن من فضلها أن العبد لا ينال ولا يصل إلى حقيقة البر إلا بها إلا بالقيام بها. Et il vous suffit, en guise de mérite au sujet de l'aumône, de savoir que le serviteur n'atteindra jamais la véritable bienfaisance auprès d'Allah Azza wa Jal, jamais la véritable piété, jusqu'à ce qu'il accomplisse la sadaqa, jusqu'à ce qu'il donne en aumône. قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit vous n'atteindrez pas la véritable piété jusqu'à ce que vous ne donneriez en aumône ce que vous chérissez le plus. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد ومن أوامره الشريفة عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا. Et fait partie de ses instructions et de ses ordres qu'il nous a laissés, la parole où il dit « Intercédez en faveur d'autrui, vous serez récompensés. » Wa qala Allahu azza wa jal « وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا. » Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit en conformité avec cette parole prophétique « Et celui qui intercède d'une bonne intercession, il aura une part de récompense. » والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والبروفيت عليه الصلاه والسلام قال الدال على الخير الدال على الخير كفاعله. Celui qui indique un bien est considéré comme celui qui le fait. Celui qui indique un bien est considéré comme celui qui le fait. ومن ها هنا فنشكر الجميع وجميع من انفق في هذا المسجد من قديم او قريب. Et à partir de là, on remercie toute personne qui ont participé et qui ont donné à cette mosquée, qui ont donné en aumône à cette mosquée, que ce soit il y a longtemps ou depuis peu. On remercie toute personne. فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ بِمَالِهَا فَأَنْفَقَتْ بِنَفْسِهَا خَمْسَ أَلْفٍ بِنَفْسِهَا. Allahu Akbar. خَمْسَ أَلْفٍ بِنَفْسِهَا. Et il m'est certes parvenu qu'une femme, qu'Allah la récompense, s'est présentée au responsable de la mosquée et a donné à elle toute seule 5000 euros. فَتَابَعَهَا عَلَى ذَلِكَ زَوْجُهَا فَأَنْفَقَ أَلْفٍ. Et voilà que son mari la suit dans cette bonne œuvre et donne pour la mosquée 1000 euros. وَتَوَسَّطَ لنا وشفع فينا أخونا الفاضل أبو خليفة أحمد المالي جزاه الله خيرا جزاه الله عنا خيرا. Il y a aussi notre frère Ahmed qui a intercédé en notre faveur, c'est-à-dire en la faveur de cette mosquée auprès de certains donateurs. فَشَفَّعَ فِيْنَا وَقُبِلَتْ شَفَاعَتُهُ. Il a intercédé pour cette mosquée et son intercession a été acceptée chez ce gracieux et généreux donateur. فَأَنْفَقَ الْمُنْفِقْ 20 أَلْفًا بِنَفْسِهِ. Et voilà que ce donateur, جَزَى اللَّهُ خَيْرًا وَجَزَى اللَّهُ الْجَمِيعُ عَنَّا خَيْرًا. Et on demande vraiment à Allah Azza wa Jal du fond du cœur qu'il récompense toute personne qui a participé, que ce soit ces donateurs que nous évoquons ou ceux qui ne sont pas évoqués, ainsi que toute personne qui a invoqué pour qu'on arrive à terminer le projet inscrit ici et là. Naam. Fa bi farhatin ghayra yasira wa bi sururin ghayri makhfiyin ankum ubashshirukum أن المبلغ الذي كنا نحتاج إليه للمشروع قد جمع أو على وشك الجمع. Et donc c'est avec un plaisir et une joie non dissimulée que je vous informe que le projet ou la somme d'argent que nous avions besoin pour accomplir ce projet est quasi regroupée. وهذا من فضل ربي. Et ceci fait partie des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Wa akhiran naqulu. Et enfin on dit an hadha al-masjid alladhi nahnu fihi. Une chose très importante à savoir, c'est que la mosquée dans laquelle nous nous trouvons, masjidun ala kitabin wa sunnah. Masjidun ala kitabin wa sunnah. Ba'idun 'an at-tatarruf az-zahiq. بعيد عن الغلو المهلك بعيد عن التمييع البطال بعيد عن البدع والخرافات. On évoque que cette mosquée dans laquelle nous nous trouvons est une mosquée qui suit essentiellement le Coran et la Sunna. Une mosquée qui est très loin de toute forme et qui n'appellera jamais et qui n'a jamais appelé bi'idhnillah azza wa jal à toute forme d'extrémisme ou de radicalisation comme ils disent ou comme ils prétendent, ou toute forme de laxisme. C'est une mosquée qui est très loin de toute forme d'innovation ou de tout ce qui contredit la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. فَهَنِيًا لِمَنْ أَنْفَقَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَسْجِدِ. Et donc c'est une bonne annonce pour celui qui dépense dans ce genre de mosquée. Alors que de nos jours, il y en a qui dépensent pour construire des mosquées dirigé par un imam homosexuel ou par un imam femme. فهنيًا هنيًا هنيًا ثم هنيًا لمن أنفق في مثل هذا المسجد. والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.